les amoureux du métro, c'est Gavroche et Mimi, article de Paris. Encore une scène, des menaces et des cris, encore ta rengaine, entre nous c'est fini. Tu refais ta valise pour la dernière fois. Je sais, tu es sincère, mais je ne te crois pas. À quoi bon t'en aller, puisque tu me reviendras, puisque tu n'oseras pas me quitter à jamais. À quoi bon t'en aller? Je suis lâche, on n'y peut rien. Tu m'as fait tant de chagrin que je te supplierai. Ne gâche pas pour rien des moments magnifiques. Tu le dis à tout vent, notre amour est unique. Et l'on sait tout donner. Nous aimons comme on s'aime. En me quittant, tu te quittes toi-même. À quoi bon t'en aller? Si tu dois souffrir un jour, au nom de ce grand amour, tu te dois de rester. Tu es revenu, et puis tu recommences, et tu continues, et tu brises la chance, tu joues la comédie encore une autre fois. Aujourd'hui c'est plus grave, mon cœur ne te voit pas. À quoi bon t'en aller? Demain tu me reviendras, moi je ne serai plus là, t'attendant pour t'aimer. À quoi bon t'en aller? Tu nous as fait tant de mal, que l'amour le plus total ne pouvait résister. J'étais sûre que ma vie se trouvait dans ta vie. La crainte de te perdre m'a trop poursuivie. Tu m'as tant fait pleurer par de folles alarmes que mes yeux se sont noyés dans leurs larmes. À quoi bon t'en aller, puisque l'amour va finir? Reste avec nos souvenirs. Moi, je m'en vais. Voici donc Henri Jeunesse, la Java de Provence. C'est une Java qui tourne là-bas sous le beau ciel de Provence. Du cœur d'un titi, elle était partie pour se donner des vacances. Mais elle goûta un soir de Java aux petits rosés de Provence. Alors elle a dit, moi je reste ici pour faire danser la Provence. Les gens du midi la trouvent jolie, cette Java de Provence. Quand au bord de mer, on tourne à l'envers au dimanche de Bombance. Aux yeux de Titaine, une larme vient, c'est le soir des souvenances. Quand l'oncle Bébert imite à l'hiver qui enchante à la Provence. Mais pendant que pour un rien, en agitant les mains, on discute, la petite du facteur sent bien que dans son cœur, ça chahute. Dans les yeux de son marin, elle voit les grands pins qui culbutent. On ne croyait pas que ça s'est fait comme ça, elle résiste, mais voilà. Elle l'embrassa car il lui donna une rose de Provence. Avec deux œillets, il eut deux baisers, plus un pour la récompense. Pour trois mimosas, il la caressa, et vous devinez d'avance qu'à ce rythme-là, ce soir, il lui doit toutes les fleurs de Provence. Chantez cigalon, chantez violon, car c'est là nos en Provence. Et toi, ma Java, marque bien le pas jusqu'au jour qui recommence. Quand les mariés s'en iront chercher leur première indépendance, toi, tu t'en iras, petite Java, car ton rôle finit là. Toi, tu t'en iras à tout petit pas dans la nuit bleue de Provence. Voici donc Praline avec Jean Sablon. Comment vous ne connaissez pas Praline ? Sur les Champs-Élysées, ses cheveux tout bouclés, elle est fraîche et jolie, c'est Praline. Regardez-la marcher, elle a l'air de danser, sur le coup de midi, c'est Praline. Elle est toujours bien habillée, on dirait qu'elle est riche. Bien chapeautée, chaussée gantée, elle a même un caniche. Car elle est mannequin, du velours au satin, elle passe la journée, c'est Praline. Une robe du soir, le manteau rayé noir, la robe de mariée, c'est Praline. 8 heures toute seule et fatiguée, elle rentre chez elle. Demain il faut recommencer. Elle oublie qu'elle est belle. Sur les Champs-Élysées, des messieurs distingués feraient bien des folies pour Praline. Elle fait non gentiment, elle ne veut qu'un amant, et ce sera pour la vie, dit Praline. Le soir où je l'ai rencontrée, elle m'a fait un sourire. Et puis on est allé danser. Après, je peux pas vous dire. Depuis tout a changé, nous sommes fiancés, et la vie est jolie, ma Praline. On va se marier, c'est banal à pleurer, mais c'est moi qui souris, ma Praline. Voici donc Suzy de l'air avec Aïe mon cœur. Deux amoureux marchaient le long du mois. Sous un soleil léger comme un brin de muguet, et les oiseaux du ciel en chavirant des ailes donnaient un bal autour de leur amour. Et le soleil tout là-haut disait aïe mon cœur, la farandole des oiseaux chantait aïe mon cœur, tous les cailloux du ruisseau criaient aïe mon cœur, et tout le monde éclatait de bonheur. On entendait leur voix qui bondissait de joie et faisait un duo avec l'eau du ruisseau. Jamais on n'aurait cru que deux amants de plus pouvaient changer ainsi toute une vie. Et le soleil tout là-haut disait aïe mon cœur, la farandole des oiseaux chantait aïe mon cœur, les cailloux du ruisseau criaient aïe mon cœur, et tout le monde éclatait de bonheur. Se penchait pour les voir de plus près. Un petit bal se mit à briller dans la nuit. Alors ils ont couru à cœur perdu. Deux amoureux dansaient autour du mois de mai, au creux d'une tonnelle sous les lampions du ciel. Jamais on n'aurait cru qu'il n'en fallait pas plus pour commencer ainsi toute une vie. Et les étoiles ont passé. Aïe mon cœur, et tout le monde éclatait de bonheur.

morceau de trompette avec tout simplement Georges Jouvin, et puis l'autre le morceau qui suivra, ce sera le titre de Jean Ferrat avec Le Félicien. Comme mon pays, avec tous mes amis, le veille et le bamboche. Il faut se lever tôt pour avoir le droit au titre de roi des cloches. Boire et jouer pour deux, et mais à qui mieux traiter Dieu de fantoche. En réfléchissant bien, je n'en voyais requin pour qui c'est dans la poche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins. Sacré Félicien, tous les soirs au poker, paradis et enfer, mon cœur cesse de battre. Quand tremble ses casquettes, au regard qu'il me jette en abattant ses cartes. Si je sens aussitôt pousser sous mon chapeau des cornes qui se cachent, c'est qu'au jeu de poker, il dit qu'il vaut mieux faire le boucher que la vache. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins. Sacré Félicien, au tendre jeu d'aimer, sa force est de flairer l'anguille sous la roche. Peu lui chaud tout à fait que la belle et le nez en forme de galoche. Mais qu'un morceau de roi suivi d'un échalas, un petit pas s'approche. Il me dit aussitôt, pas mon pauvre Jeannot, la tienne est plutôt moche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins. Sacré Félicien, quand on va braconner la truite et le gibier, je guette le gendarme. S'il est petit et gros, suant sous son chapeau, il me dit pas d'alarme.

je suis champion. J'ai de la valse dans ma musette pour vous faire passer le grand frisson. Vous cassez pas la nénette, c'est au fond des mirettes qu'on regarde les lampions. Et quand la valse s'arrête, on peut faire en cachette. Voici donc Colette Mars avec tout simplement chanson d'Alousie. Comment tu me vois? Je voudrais être ton cœur pour savoir s'il bat pour moi. Je voudrais être ton sang pour être partout en toi. Ta voix. Je voudrais être tes mains, je voudrais être tes bras. Pour être quand tu es train, même tes rêves encore là. Je voudrais être pour toi la terre qui porte tes pas. Tu ne puisses plus vivre sans moi. La jalousie dresse autour de ma vie une prison vivante où je suis seule le jour et la nuit face à la peur qui me hante. Mais le jour où tu voudras, je le sais, tu partiras. On ne force pas l'amour, car je ne suis pas tes yeux pour voir comment tu me vois. Et je ne suis pas ton cœur pour savoir s'il bat pour moi. Je ne peux être ton sang pour être partout en toi. Je ne peux être ta voix. Si je ne suis pas tes mains, si je ne suis rien pour toi, je sais bien que tu éteindras un autre amour dans mes bras. Prends bien garde, car alors un jour je serai ta mort. Là, je pourrai te garder enfin pour moi. Tout à moi. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Simple et fraîche comme le printemps. Depuis toujours, on l'appelle comme d'api. Dans son coin de Ménilmontant. Un jour, son cœur a rencontré le cœur d'un beau garçon. Joyeux qui prit un air vainqueur en lui disant tendrement: pomme d'api, pomme d'api, c'est un petit bout de femme de rien du tout. Pomme d'api, pomme d'api, de fausset un sourire et c'est tout. Pomme d'api, pomme d'api, c'est pour moi le plus beau des joujoux. ce n'est rien, mais pourtant le bonheur m'appartient. L'amour fleurit quand tout sourit dans les yeux de ma femme d'api. Durant l'été qu'ils ont pu s'amuser dans tous les bals de nos gens. Puis un matin ils se sont présentés dans le maire de Ménilmontant. C'est bête comme chou, mais en sortant de là, la joie brillait dans leurs yeux. Il prit sa femme, la serra dans ses bras et fit d'un air amoureux. Pomme d'api, pomme d'api, c'est un petit bout de femme de rien du tout. Pomme d'api, pomme d'api, et de fond c'est un sourire et c'est tout. Pomme d'api, pomme d'api, c'est pour moi le plus beau des joujoux. Ce n'est rien, mais pour autant le bonheur m'appartient. L'amour fleurit quand tout sourit dans les yeux de ma pomme d'api. Vous murmurez, ah comme c'est beau l'amour, mais hélas ça passe vivement. Et bien chez eux l'amour dure toujours, c'est plus beau que dans les romans. Il faut les voir quand ils sont réunis, tous les deux près d'un berceau. C'est merveilleux, c'est la vie qui sourit quand la maman dit ces mots. Pomme d'api, oh pomme d'api, c'est un petit bout de femme de rien du tout. Pomme d'api, pomme d'api, peu de fausset, un sourire et c'est doux. Pomme d'api, pomme d'api, le bonheur s'est installé chez nous. Et l'amour nous a dit, gardez-moi pour toujours. Car il suffit d'un tout petit, d'un gars et d'une pomme d'api. Juste après, voici donc, il s'appelle Francis Lemarque avec Mal, Petit Mal. C'était le soir d'un 14 juillet. Quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un petit bal au milieu de la ville. Bah, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs. Ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Je me souviens du patron sympathique qui discutait politique avec l'agent flegmatique. Et pour nous deux, un seul musicien paresseux et le vent léger qui faisait voler tes cheveux. Et quand le dernier lampion s'est éteint, un grand amour était né dans la ville. C'était le nôtre dansant au matin dans le petit bal devenu tranquille. Bah, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs. Ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Ah, mes amis, ce fut une belle noce. Le patron et ses huit gosses étaient venus en carrosse. Et maintenant, nous voilà clients pour longtemps de ce petit bal où l'amour, un soir en dansant, nous a réunis pour toute la vie. Voici donc la chanson de Lara, c'est John Williams. Sommes quittés. tant que Charlotte Julien, j'ai gardé l'accent. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. C'est le mi-cocolier où jouent les écoliers, qu'une cigale égaye. Quand la mer de Pagnol, en retenant ses vagues, s'endort en rêvassant, qui lui passe la bague, la mer a notre accent. Quand le vent de Mistral décoiffe les marchandes, jouant au tout-puissant, et qu'il nous fait le ciel plus bleu que la lavande, le vent a notre accent. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Des voiles qui tournent en crissant, et que ça grouille au ciel de millions d'étoiles, la nuit a notre accent. Quand l'été de Giono revient en transhumance, et que les estivants imitent en riant le parler de Provence, le monde a notre accent. J'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'accent du clocher, la Noël des bergers dans la nuit des merveilles. C'est l'orgueil provençal, la gloire de Mistral. C'est l'accent de Mireille. Avec mon petit Louis. Le petit Louis n'est pas un costaud, il n'a pas de gros biscotto. La pluie tolère un peu ballot d'un épismard ou d'un pecnot. Mais quand il passe sur ses bastos, les filles lui roulent des calots. Ce qu'il ne peut pas s'expliquer, tous ses charmes, il les a planqués. Même que si c'est un vrai de vrai, sûrement qu'il l'a pas fait exprès. C'est un vendredi qu'il est né pour le poisson, c'était un jour prédestiné. Depuis que j'ai vu le petit Louis, y'en a pour lui, j'en ai le cœur tout ébloui. Y'en a pour lui, y'en a pas un qui le dégore. C'est un amour de petit homme, il a le truc qui m'a séduit. Y'en pour lui, j'en rêve le jour et la nuit. Y'en a que pour lui, il me prend jusqu'au trognon. Il me prend tout mon pognon, et même quand il m'a tout pris, y'en a que pour lui. Je lui ai fait quitter l'atelier, il est trop beau pour travailler. Un homme comme lui peut pas bosser, le boulot ça pourrait l'abîmer. Il est fringué. Je suis fier de le voir si mondain. Les amis le traitent de cavé, et moi je l'aime en crever. C'est un amour plus fort que moi, pour lui je ferai n'importe quoi. Vrai, je me demande, y'a les moments, si je suis sa femme, ou bien si je suis sa maman. Depuis que j'ai vu le petit Louis, y'en a que pour lui, j'en ai le cœur tout ébloui. Y'en a que pour lui, y'en a pas un qui le dégore. C'est un amour de petit homme, il a le truc qui m'a séduit. Y'en a que pour lui, j'en rêve le jour et la nuit. Y'en a que pour lui, il me prend tout mon pognon. puis comme il m'a... Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Il s'appelle le Rugi Irigoyen avec Véromica. De tout mon cœur, je vous espère, mon amour éperdument depuis le premier jour. Toujours, toujours, et de tout mon cœur, je guette en vous ce fol émoi qui vous fera tremblante dans mes bras. Crier de joie, je perds la tête à rêver de ce jour-là. Le temps s'arrête aussitôt que je vous vois. C'est pourquoi de tout mon cœur je fais le vœu plein de ferveur de vous aimer comme on aime une fleur. De tout mon cœur, de tout mon cœur, oh mon amour, je crois en vous. Je crois au bleu de vos grands yeux, si doux, si doux, si doux. Et de tout mon cœur, je veux tenter de vous prouver que le bonheur dont vous avez rêvé peut arriver. Je vous promets tout le long de votre vie des mois de mai, de tendresse et de folie si jolie dans tout mon cœur. Je fais serment de vous aimer plus que moi-même, et tant que je vivrai, et de tout mon cœur. Voici donc Fred Mena avec le bleu de l'été. Le temps d'une larme, le temps d'un sourire, le temps les efface, mais toi tu es là, et c'est moi qui regarde dans tes yeux où s'attarde cet amour. Garde le bleu de l'été, le temps s'éparpille, le temps se gaspille, de fil en aiguille, les jours font les nuits, mais les nuits éternelles, quand c'est toi m'appelle jusqu'à la citadelle du bleu de l'été. Le temps d'une larme, le temps qui l'efface, le temps qui désarme, le temps d'en finir, et c'est moi garde dans tes yeux où s'accorde cet amour qui nous garde le bleu de l'été, le bleu. Comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Retrouvez toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel le samedi 15 décembre à partir de 17h sur le marché d'Ormes. Nous serons en direct pour vous faire vivre depuis la place du marché, l'esprit de Noël à Ormes. Rendez-vous samedi 15 décembre à partir de 17h avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, ben, je vous laisse avec quelques morceaux au Portugal et c'est un petit bonjour à Florian. Voici donc. Com ele. tipo tropical. Me quedo louca apenas mí. Perco os sentidos, sube la presión. Quando tu bailas, acelera o coração. Sinto teu corpo, dá minha paixão. Se gastas comigo, quero la razão. Quando sobe a temperatura, mexe a cintura. Ai, ai que loucura. Ai, ai que loucura. Quando sube a temperatura, mueve tu cintura. Ai, ai que loucura. Ai, ai, ai, ai. Sube, sube. Seja homem ou mulher, velhos, novos, tanto faz. Até vir o sol nascer, tudo encosta com prazer, para a frente e para trás. Até o senhor prior, bate o pé sem ninguém ver. Nestas noites de calor, o bailão é do melhor, por isso tens que aprender. Bate o pezinho, depois as mãos. Bate o pezinho, depois as mãos. Encosta, encosta, coração com coração. Assim se dança, meu amor, este bailão. Bate o pezinho, depois as mãos. Bate o pezinho, depois as mãos. Encosta, encosta, coração com coração. Assim se dança, meu amor, este bailão. Depois as mãos, bate o pezinho, depois as mãos. Encosta, encosta, coração com coração. Assim se dança. dança, meu amor, este bailão. Bate o pezinho, depois as mãos. Bate o pezinho, depois as mãos. Encosta, encosta, coração com coração. Assim se dança, meu amor, este bailão. Assim se dança, meu amor, este bailão. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà donc, retour avec les chansons et voici Bourville, La Terre. J'ai par le monde beaucoup voyagé. Des racines profondes me tiennent attachées à la terre de mon père, de ma mère, à la terre qui m'a vu naître un jour, à la terre qui connaît mes amours, à la terre de mon père, de ma mère. Le vent provoque ma voile qui bat, mon bateau qui s'en moque me ramènera vers la terre de mon père, de ma mère, vers la terre qui m'a vu naître un jour, vers la terre qui connaît mes amours, vers la terre de mon père, de ma mère. Mon doux village, voilà ton enfant. Au terme du voyage, le bonheur m'attend sur la terre de mon père, de ma mère, sur la terre qui m'a vu naître un jour, sur la terre qui connaît mes amours, sur la terre de mon père, de ma mère. J'ai dans ma poche rien qu'un grain de blé, je mettrai mes galoches, j'irai le semer dans la terre de mon père, de ma mère, dans la terre qui m'a vu naître un jour, dans la terre qui connaît mes amours, dans la terre de mon père, de ma mère. Ma vie m'est chère, mais s'il le fallait, ma vie comme grand-père, je la donnerais pour la terre de mon père, de ma mère. Pour la terre qui m'a vu naître un jour, pour la terre qui connaît mes amours. Voici donc Charles Trenet avec Fidèle. Et si rester fidèle à des choses sans importance pour vous, un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle, le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des lieux et des amis très doux. Un drôle d'Albert et sa sœur en dentelle, un castillet tout neuf, un canigou, une rue de Béziers, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir à Montauban. Candide ardeur, nos cœurs, je me rappelle, s'étaient donnés si jeunes sur un vieux banc. J'étais parti dans la nuit des vacances, plus léger qu'un elfe au petit jour. Mais à présent quand j'y pense, je pleure toujours mon premier amour. Fidèle, fidèle, pourquoi rester fidèle quand tu chantes et s'en va sans regret? Quand on est seul, debout sur la passerelle, devant tel ou tel monde qui disparaît. Quand on regarde tous les bateaux qui sombrent, emportant les choses qu'on espérait. Quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres qu'on n'aura jamais. Quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres qu'on n'aura jamais. Voici donc qui s'appelle Lassou, elle s'appelle, et voici le titre, Le Coton, tout simplement La Cueillette du Coton. C'est la cueillette du coton et tout le vallon se réveille en chanson dans le ciel. C'est pour l'amour le plus merveilleux jour. Dans chaque rangée, sans jamais, jamais s'arrêter, les amoureux vont se voler de petits baisers. Mais chacun sait que le soir au village, pour le grand bal, on va se retrouver. Déjà dans le vent, on entend les premiers accents. Les musiciens égrènent un ton lointain. Dans les plantations, c'est la cueillette du coton sur tous les chemins. La fête bat son plein sous les doigts d'un vieux musicien. Les bongos s'affolent et ils rient de toutes ses dents quand les robes volent. Fini la veille, voici. Tambour battant, le soleil me fait chanter. Oh, c'est fou, quand il pleut, je reste au lit, et voilà tout. Et si j'ai du chagrin, je bois un peu de vin. Adieu, fini le chagrin. Si j'en bois un peu trop, tout devient rigolo. Je m'endors aussitôt, et en avant tambour battant, je m'en vais n'importe où, au gré du vent, j'avais droit devant moi en chantant tralala, au pam pam pam, tambour battant. Et en avant tambour battant, il y a des filles et des gars qui en 20 ans, ils auront de beaux enfants, tambour battant. Et puis il y a le printemps qui se promène dans les champs en jouant avec le vent. Et l'on peut voir aussi dans les rues de Paris des anges qui sourient. Et en avant tambour battant, pas la peine de chercher plus longtemps le bonheur. Viens en chantant, tra-la-la-la, sur le mur calvire. Voici donc la deuxième chanson de Jean Ferrat avec Mamoun. Mamoun, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines. Elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais maman, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour des magazines. Elle travaille en usine à Créteil. Voici donc Lucienne de Lille. Une rue qui penche, un bal sous les branches, c'est un vieux moulin qui ne moue plus de grain. Ses grandes ailes, les filles sont belles, c'est un jardin fleuri, tout en haut de Paris, le joli moulin de la Galette, a des ailes couleur du temps, et les refrains de ses chansonnettes tournent tournent au rythme du vent. Il fait danser garçons et fillettes, et plus d'une soir de printemps, pour un petit béguin à jeter bien loin son bonnet par-dessus le moulin. C'est là qu'un dimanche, sous ses ailes blanches, de grands yeux moqueurs ont charmé tout mon cœur. Dans ce coin bohème, il m'a dit je t'aime, puis depuis notre amour a grandi chaque jour. Le joli moulin de la Galette a des ailes couleur du temps. Et les refrains de ses chansonnettes tournent, tournent au rythme du vent. Il fait danser garçons et fillettes, et plus d'une soir de printemps, pour un petit béguin à jeter bien loin son bonnet par-dessus le moulin.

ma joie du retour. Dans le creux du vallon, j'aperçois la maison où naquit ma première espérance. De ce rêve trop court, souviens-toi mon amour, souviens-toi pour que tout recommence. Au loin dans la plaine, l'écho me répond, les heures s'égrènent dans la nuit d'abandon. Voici l'aurore, lumière des fleurs, qui semble t'éclore comme un rêve enchanteur. Toute la montagne s'illumine soudain. Voici ma compagne, mon bonheur qui revient. Dans la plaine sonnait tout le jour. Le ciel me ramène le soleil et l'amour. Voilà, ben je vous laisse avec l'accordéon. Table ronde, tout en voix.

96.2. La FM en couleur. Voici donc Tino Rossi, Venise et Bretagne. La belle, immense lagune, des masques de velours, des poignards de palais. Bretagne, n'as-tu pas des paysannes brunes et tes fils chevelus et tes chants de jeunesse? Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Sentir la brise qui vient du large avec les flots, la brise qui vient du large avec les flots. Avez-vous admiré son océan qui gronde, ses falaises, ses bois, ses bruyères en fleurs, ses longs genêts dorés dans la gorge profonde, quand l'humide matin les baigne de ses pleurs? Qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Sentir la brise qui vient du large avec les flots, la brise qui vient du large avec les flots. Voici donc les nuages et c'est tout simplement Yves Montand. Dans le soir, le train s'en va. Sur le quai, son mouchoir s'enfuit déjà. Dans la glace, comme un songe, le mur gris de sa maison. Le jour qui s'allonge s'estompe à l'horizon. Un nuage s'étire sur son toit bleu. En passant, il semble dire un triste adieu. Tout ce que j'aimais, lorsque le train vire dans un flot de fumée, s'efface à jamais. s'étire sur son toit bleu. En passant, il semble dire un triste adieu. Et tout ce que j'aimais lorsque le train vire dans un flot de fumée s'efface à jamais. Eh bien, Marie, José, puis après, ce sera du Pasadoble et Rina Kitty. C'est pour Monique, donc un petit bonjour. Donne en Espagne, dans la campagne, comme dans les faubourgs. Et dès que la nuit apporte sa rêverie tendre, on peut l'entendre qui monte vous pour lui. Sa mélodie très doucement brise à Pampelune, sous mille balcons fleuris, que de guitares l'on rejouait au clair de lune. C'est un chant plein de caresses et les bons vieux attendris, en l'écoutant le soir revivent leur jeunesse. Chaque fredonne en Espagne, dans la campagne, comme dans les faubourgs. Et dès que la nuit apporte sa rêverie tendre, on peut l'entendre. son enfant dans ses bras, sous l'ogive d'une chapelle, offrait sa gerbe de lilas, sans voir la pauvrette jolie, les gens passaient à l'ornita. La brune fille d'Italie leva ses beaux yeux et chanta. On m'a surnommée la Madone, parce qu'un jour sur un vitrail, un peintre dont le nom rayonne de mes yeux a fixé tous les mois. Abandonne. Et depuis, malgré ma douleur, chacun dit, voici la Madone, Nita, l'emble Madone aux fleurs. Sa gerbe n'était pas vendue, et l'enfant dans ses bras pleurait. Alors la Madone est perdue, jetant ses fleurs parties d'un trait. Triste et pâle comme une veuve, vers l'Arno dirigeant ses pas, elle s'arrête près du fleuve. Un artiste lui dit tout bas, écoutez Nita la Madone, je referai sur un vitrail votre chaud regard qui rayonne et séchez vos yeux de pur émail, de pur émail. Que le chagrin vous abandonne, demain s'enfuiront vos douleurs, vous redeviendrez la Madone, Nita, Madone de mon cœur. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Samedi 8 décembre, c'est la journée nationale du Téléthon. Radio Arc-en-Ciel ouvre son standard à partir de 9h jusqu'à 17h au 02 38 43 48 00. Faites-nous vivre cette journée depuis votre ville avec nos différents animateurs. Et le soir, à partir de 19h, retrouvez-nous sur la grande scène de l'espace Arc-en-Ciel au 266 rue de Faubourg-Bannier pour un grand concert gratuit avec le groupe Lord Prosser qui nous arrive d'Angleterre. Chris Adam, qui arrive de Belgique, Crazy, Sito et Yavanna. Alors rendez-vous le 8 décembre pour cette journée Téléthon, en direct et en public, sur Radio Arc-en-Ciel. Retrouvez toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel le samedi 15 décembre à partir de 17h sur le marché d'Orme. Nous serons en direct pour vous faire vivre depuis la place du marché l'esprit de Noël à Orme. Rendez-vous samedi 15 décembre à partir de 17h avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, on retourne avec les chansons. Donc voici donc Luis Mariano Rossignol. une fois une fille de roi, mon cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, j'en dis rossignol, vint dire à la princesse, je t'apporte l'espoir, et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol. Le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse, elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol, rossignol. Morceaux différents, c'est la flûte de Pan. Dice un canto y es verdad que el querer viene de pronto y como viene se va, y como viene se va. Querer todo el mundo quiere, lo más lindo y lo mejor, mas cuando llega el hartazgo descubre que no es amor. Mas cuando llega el hartazgo, descubren que no es amor. Que el que quiere siempre toma, pero el que ama siempre da. Que una cosa es el querer y otra distinta es amar. Una cosa es el querer y otra distinta es amar. siempre se da, porque el bien de los demás es su gozo y es su paz, es su gozo y es su paz. Si te unes porque quieres, esa unión fracasará, pues una cosa es querer y otra distinta es amar. Pues una cosa es querer y otra distinta es amar. Y así la ley del amor, si quieres vivir en paz, mira de no querer tanto, pero de amar mucho más. Mira de no querer tanto, pero de amar mucho hermano, quiero estrecharte entre mis brazos. El tiempo y la distancia no me hacen olvidar aquella nuestra pobre infancia, ni aquella juventud preñada de inquietud que allá en el tiempo fue quedando. ¿O el azar acaso dio rumbo diferente a nuestros pasos? No vivo de ilusión, pero en mi corazón anida siempre la esperanza, y he de cruzar el mar para resucitar recuerdos hechos de distancia. Quiero estrecharte entre mis brazos. Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver, hermano, hermano, hermano. Voici donc Stéphane Chaumont, le titre Comme un moineau. C'est près d'une gouttière à Matou, dans une mansarde n'importe où, à Montparnasse. Je suis venu au monde sous les toits, et que j'ai pour la première fois ouvert mes chasses. Mes pères et mères des chars, comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. À l'heure des repas d'un autre garneau, me laissait souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. À la joue tous les autres marmots, à l'école vont se bourrer le cerveau de bonne grammaire. Avec un tas de mauvais loupiots dans les coins, on s'en allait jouer au père et à la mère. Pour sûr que ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les bonnes manières. À 15 ans droite, sur tes ergots, t'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme un moineau. Celui qui a voulu ta vertu pour te posséder n'a pas eu à faire le siège. Je n'ai eu qu'à ouvrir les bras et ton amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, ton cœur au contraire était lui pur, pur comme la neige. Nous éveillant sous les bécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme deux moineaux. Je t'ai plaqué, ça et j'eus tort, mais tu t'es consolé d'un sort qui est le vôtre. Avec un petit galet salé qui lui, pour ne pas travailler, te vendit à l'autre. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du trottoir où l'on se vautre. Chaque soir, sur le pavé Parigo, tu cherches ton pain dans le ruisseau, l'œil aux aguets comme un moineau. L'hiver viendra et ton seul bien, ce pauvre corps qui, je le vois bien, déjà se lasse, tombera sur le pavé brutal. Tu passeras sur un lit d'hôpital un soir d'angoisse. Pas plus mauvaise que beaucoup, t'aurais préféré malgré tout au lieu d'une poisse. Un homme qui t'aimait d'amour pour avec lui finir tes jours dans un nid chaud comme de moineaux. Voici donc Michel Arnaud, Angelo. J'ai tant de soucis que je ne me sens bien qu'ici et livrée à vos mains expertes. Vous êtes mieux que mon coiffeur, vous êtes l'ami de mon cœur, de mes cheveux et de ma tête. Angelo, pas trop d'acajou, mon ami Jeanne est acajou, elle a l'air d'une créature. Vous me direz que cheveux clairs ou bien foncés, elle en a l'air. Et quand je dis elle en a l'air, enfin, comment c'est ma teinture. Oh, Angelo, quelle vie de soucis.

Paris avec Je suis ton ami et puis une autre chanson d'elle, c'est pour une autrice qui aime beaucoup cette chanson là. Mon cœur a besoin de temps. voudrais que tes frères s'aiment partout l'amitié. Troisième chanson de Jean Ferrat et le titre s'appelle Santiago. Sans perdre haleine, l'orgue orientale se déchaîne, et moi qui danse comme un trop-haine. À Santiago de Cuba, le rhum qui coule du tonnerre, la serviette en bandoulière, j'avais l'air de quoi ma mère, moi qui danse comme une soupière. Un sombrero fantastique, un cigare astronomique, la musique, et moi qui danse comme une barrique. C'était très dur. Santiago de Cuba, les petits saints des métis, du miel et du pain d'épices, je côtoie les précipices, et moi qui danse comme une saucisse. Allez mon vieux, faut tenir, hein. Guitari, on court le monde. En cherchant le grand amour, j'ai couru le monde, croyant qu'on le et rien n'a retenu mon cœur qui l'aurait tant voulu. Seul, ainsi qu'un vagabond, j'ai pillé le monde, pensant gagner. Courant